encore une autre histoire sans verre. Elle m'a révélé des péripéties, et des trucs de fou. Ouais, l'autre jour j'étais sous chaud de sa mère. Et une autre fois j'étais sous Rapton. Et l'autre jour aussi j'étais à Jaime. Mais je me suis gelé, tu vois comment, mais quand je me suis relevé. J'étais encore plus chaud. Hey, j'étais Marseille, j'trouve plus le sommet, mon frère fait la tech. De moi j'en fais la semaine, mais j'pense aux scènes, pas prêt, j'ai la steak. J'rappe, j'viens de là où le cœur se compresse, la vie pousse à terre. Des frères dans le stress, des appels tard, beaucoup de réponses à tort. J'rêvais de péter, j'avais plus que ça, évadé dans le secteur. Des coulées de sœurs, pas de ceux qui partent, en peur de l'inspecteur. Regarde, la vie c'est moche, c'est pas la fête. On est pas la frais par la veille, ça fera l'after, des bouts de toi par la fenêtre. Hein. J'picole, j'm'embrouille avec mon nom depuis que j'm'isole. J'suis seul au monde depuis que j'suis môme, au fond du puits, j'm'y jette. J'crois plus en rien, y'a peu de projets, là où les forces freinent. Crise de rein, une vie de rejet, là où les fleurs se fanent. J'vis, j'rache, c'est le train passif, faut que j'pète la haille. J'stream, drame, un cri, un coup de chasse pectoral. J'suis parano, j'suis loin d'avant les marneutes. J'connais les femmes et les menottes pendant que tu dors à les marneutes. C'est ça la vie, t'as mal plus tu grandis, qui note sa peine la pousse. Il est trop tard, mais j'ai compris, big up mon mec, ta pute. Y'a plus rien de marrant, les rêves découpent du marron. C'est qui fixe les tarots, moi j'ferme ma gueule que devant les darons. J'vis, quand décalage, j'me sens perdu, j'deviens fou dans le vide. Un dernier verre et j'deviens barge, faut que j'donne tout dans le vide. Dors à la presse, soit tu sors, soit tu baisses les stores. J'ai un m'appelle, mais soir c'est clair, on baise au best western. J'ai jamais su ce que je voulais faire, je rêvais tes sauts de la marge. J'ai trimé dur, j'ai soudé le fer, dans maintenir saut de barrage. J'ai la tête dure, les bras solides, vu qu'on est fort bagarre. J'ai rayé tendre et vin solide, j'suis en défaut de bagage. Et merde, je promets de tout faire quand on est fait. Là il est bien loin de temps des fêtes, quand on recommence, un jour de m'en défaire. Vite, j'pars, flic flac, et j'passe la porte, big flask. Vite flingué, rime trace, j'lâche la prod. Ma thérapie c'était magique, au fond je trouve pas la paix. La chronique ça est magique et pour être je manque à la paix. Les mecs, j'ai besoin de prendre du recul, les gars là moi je sature. Perdu sur ma planète, je me barre visiter Saturne. Ma thérapie c'était magique, au fond je trouve pas la paix. La chronique ça est magique et pour être je manque à la paix. Les mecs, j'ai besoin de prendre du recul, les gars là moi je sature. Perdu sur ma planète, je me barre visiter Saturne. J'ai toujours pas pété de jackpot, j'suis toujours là mon jack impète. Un pète qui me reste un pète comme d'hab, là j'ai les poches percées. T'attends, j'attends le début du mois, wesh. Faut que t'envoies les pépettes parce que crois pas que je suis la pépère. J'ai juré la tête de pépé, je donnerai pas de blague, je fais pas ta pub. Oublie jamais que je connais ta meuf et qu'elle m'a dit que tu fais ta pute. Elle veut pas de valer ta pure, ça perd un peu trop de travers. Je connais les faux, je connais les vrais, les clous sur la route entravée. Ça fait longtemps que j'ai le cœur en bonne, sauf quand je pense à mère en bas. Ce que tu donnes, on te le rend pas comme l'Esther et ton bout de te j'ai pété toute ma tête. Et wesh, ma copine tout été. J'ai senti que t'as l'alarme à l'œil. Des cauchemars où j'ai rêvé, je sais pas, j'ai plus l'alarme à l'heure. On parle d'amour, on se fait la guerre, on s'est laissé son quête la gare. J'ai plus le cœur qui baisse la garde. Rien à péter, je crève ta rouge, trace ma route écorchée, je m'en vais loin des rails. Je suis parti loin de la merde, t'as compris, parti loin des rats. Fallait tout freiner dès le départ. Tu sais que par amour on se dépasse. Et sur la ronce on laisse des pas. J'ai des épines pleines sous la peau. Je me sens mieux quand je suis seul. Je suis parti me saouler sous la pluie. Je suis pas comme toi, j'ai pas ton cœur. J'emmène personne dans ma tempête. Elle donne son cœur avant son blast. T'entends mon silence, lâche ton père. Tu pourras parler tant de pertes. Parce que t'as pas connu tant de pertes. Qui parfois ça grippe à ton cou. La route est longue, elle fait du mal. Quand cette pute elle rit pas ton coude. Ma thérapie c'était magique, au fond je trouve pas la paix. La chronique ça est magique et pour être je manque à la paix. Les mecs, j'ai besoin de prendre du recul, les gars là moi je sature. Perdu sur ma planète, je me barre visiter Saturne. Ma thérapie c'était magique, au fond je trouve pas la paix. La chronique ça est magique et pour être je manque à la paix. Les mecs, j'ai besoin de prendre du recul, les gars là moi je sature. Perdu sur ma planète, je me barre visiter Saturne.